Donc, du coup, on va accueillir la commission Jeux Debout, qui va nous parler du Game Jam. Donc, ils vont en parler mieux que moi. Eh bien, je ne sais pas non plus, je vais écouter comme vous. Donc, la commission Jeux Debout, s'il vous plaît. C'est pas grave. Merci. Alors, avec mon camarade Vincent ici présent, on est la commission Jeux Debout. On est sur la place maintenant depuis à peu près un mois et demi, quelque chose comme ça. Ah d'accord, pardon. Donc, désolé. Non mais je peux parler plus bas sinon. Ça, ouais. Non, c'est bon, c'est rare. Ça marche, ça marche. Alors, c'est bon là ça va là? D'accord. Donc, je disais que oui, on a la commission Jeux Debout. On est là depuis à peu près un mois et demi sur la place. Alors, quelle est l'intention au départ de cette commission? C'est de créer des jeux en relation avec les questions d'actualité, les questions sociales, politiques, etc. Alors, ça peut paraître un petit peu, comment dire, léger, un petit peu en décalage par rapport au mouvement et par rapport aux enjeux qu'il y a derrière. Mais nous qui connaissons un peu les jeux de vidéo, les jeux de plateau, etc., c'est des questions qui nous travaillent. Parce que je sais pas si vous pensez à des jeux comme ça naturellement. En réalité, si vous creusez un petit peu les jeux que vous connaissez, vous vous rendrez compte qu'il y a souvent une idéologie derrière. Et non seulement il y a souvent une idéologie derrière, mais en plus c'est plutôt souvent une idéologie de droite. Hein, si vous prenez un jeu extrêmement traditionnel comme les échecs, c'est une espèce de mise en scène à la fois de la guerre et de la politique, quoi. Hein, le roi, la reine. Donc c'est quand même un schéma à la fois aristocratique et militaire où on envoie les petits pions se faire tuer pour que le roi et la reine puissent gagner, etc. Quoi. Donc on est sur. En fait, les jeux transmettent une idéologie, même si on s'en rend pas compte. Derrière la mécanique, il y a une idéologie. Derrière la manière dont un jeu est construit et structuré, il y a une idéologie. Donc là, l'idée, c'est effectivement de créer des jeux qui transmettent une idéologie qui nous arrangerait plus, quoi. Voilà, donc... En réalité, bon, il y a déjà des œuvres qui vont dans ce sens-là, notamment au monde du jeu vidéo. Il y a pas mal de choses qui vont dans le sens de la critique du système établi ou de la coopération ou de bon, je pourrais donner des exemples précis. Il y a un collectif. Ah, ouais, c'est bruyant. Donc il y a un collectif italien qui s'appelle la Mole Industria, qui est spécialisé là-dedans. Ils ont créé un jeu qui est disponible gratuitement sur Internet, qui s'appelle McDonald's Games, où le joueur doit gérer l'entreprise McDonald's depuis la fabrication des steaks jusqu'au marketing. Et en réalité, pour que l'entreprise fonctionne, on est obligé de faire des choses absolument atroces, de détruire l'environnement, de mettre des hormones dans les vaches, de virer du personnel, de corrompre des politiciens ou des scientifiques, bah bon, bref. Et donc voilà, tout le jeu fonctionne sur et donc c'est une mécanique infernale. Et donc pour faire vivre l'entreprise, au bout d'un moment, pour faire vivre la multinationale, on est obligé de d'être nocif, quoi. C'est le message du jeu. Alors un peu plus problématique, ces gens-là ont aussi un peu plus polémique. Ces gens-là ont aussi créé un jeu qui a été interdit en Italie. Et qui s'appelait Pédopriste, dans lequel on avait des prêtres qui s'attaquaient à des petits enfants, et donc on jouait les évêques qui devaient calmer les scandales. Voilà. Celui-là est disponible aussi gratuitement sur Internet. Vous pouvez aller voir. Voilà. Pour résumer un peu l'esprit dans lequel tout ça s'est fait. Alors nous, on n'en est pas là. On a en fait commencé à organiser notre événement. On a créé ce qu'on appelle une game jam. On a organisé une game jam, c'est-à-dire un week-end pendant lequel on a créé des jeux. C'était le week-end dernier, je crois, oui, si je ne me trompe pas. PIB de la commission numérique nous a prêté les locaux de Wikipédia France, Donc c'était super. Pendant un week-end, là, on était dans les locaux de Wikipédia France à Sentier. On était une dizaine à peu près. Alors il y avait dans la dizaine, il y avait à peu près il y avait deux personnes qui vraiment ne venaient pas du tout du milieu de la création de jeux. Nous, on aurait aimé qu'il y en ait plus. Mais bon, enfin, c'est vrai que, alors, on avait deux personnes vraiment extérieures. On a fait notre possible pour les intégrer. On aurait sans doute pu faire plus parce que c'est vrai que c'est la première fois un peu qu'on, moi, c'est la première fois que j'étais confronté à ce genre d'événement, en général. Et, donc, c'est toujours délicat, évidemment, d'ajouter une dimension pédagogique en plus à la pression de créer d'avoir un objectif de création en temps limité, quoi. Donc on a créé 2-3 jeux, on a un site internet, il y a un site internet sur lequel les jeux sont disponibles, tous les jeux qui ont été créés dans le cadre de cette initiative sont disponibles gratuitement, en téléchargement gratuit. Donc voilà, à peu près ce qui pouvait être dit. Je sais pas, je pense que je peux vous laisser la parole, vous répondre à vos questions, écouter vos remarques, etc. Alors moi je suis un joueur de Monopoly. Alors, j'y joue depuis l'enfance, et j'ai très vite compris le fonctionnement du néolibéralisme en jouant au Monopoly. Et j'ai observé que j'ai compris en regardant comment jouaient ceux qui gagnaient, quoi, évidemment. Bon, et puis moi, j'ai compris, puis j'ai gagné à mon tour. Puis il y en a d'autres qui comprennent pas, qui perdent. Voilà, c'est un jeu très pédagogique. Alors oui, moi je suis pas un grand fan du Monopoly parce que je trouve que les mécaniques sont un peu datées. Enfin, en gros, c'est des mécaniques de jeu de loi avec une espèce de surcouche que moi j'arrive pas à comprendre où tout le monde se met à parler dans tous les sens pour récupérer ce qui l'intéresse. Donc j'ai un peu de mal, mais c'est vrai que de ce point de vue-là, peut-être qu'effectivement c'est une bonne représentation du libéralisme et du capitalisme sauvage, ouais. Néolibéralisme. Ouais. J'avais une question très pratique. Comment ça se passe pour créer un jeu? Quelles instances? Comment ça se passe, quoi? Alors, bon, déjà, ça dépend si on parle de jeux de plateau ou de jeux vidéo. Pour ce qui est des jeux de plateau, finalement, on est pas mal dans l'abstrait, dans le concret à la fois, parce que on va très vite. Moi, j'ai pas trop l'habitude de créer des jeux de plateau. Moi, je suis plutôt aux jeux vidéo. Mais pour ce qui est des jeux de plateau, on va très vite, finalement, de l'idée à des supports matériels, quoi. On a une idée, puis très vite on construit un prototype et on teste et on voit ce qui marche, ce qui marche pas, et on modifie, etc. Donc ça, ce serait pour le côté jeu de plateau. Il faut se dire quand même que dans un jeu, et ça je trouve que là-dessus il y a encore un manque de pédagogie là-dessus en général dans la société, à l'école, partout. Quand même, les jeux sont en train de devenir un élément fondamental de la culture moderne, quoi, depuis à peu près 50 ans. Les jeux de plateau ont connu une espèce de grande évolution dans les années 90, et là depuis les années 2000, mais c'est une explosion totale parce qu'il y a vraiment des nouvelles mécaniques qui ont été inventées. Dans les années 90, les gens comme moi qui connaissaient bien les jeux de plateau s'intéressaient à des jeux de plateau qui étaient souvent assez compliqués, qui pouvaient durer 3-4 heures, dont les parties pouvaient être très longues, etc. Et là depuis une dizaine d'années, il y a des créateurs qui ont décidé de créer des jeux novateurs avec des mécaniques très simples et avec des durées courtes. Donc en général, les bons jeux maintenant, actuellement, les Aventuriers du Rail ou Carcassonne, pour citer deux des titres comme ça qui circulent pas mal, sont des jeux qui se jouent en une heure en général, dont on termine la partie en une heure. Et ça va très vite, c'est très nerveux, etc. Et donc il y a vraiment eu beaucoup de mouvements au niveau des jeux de plateau. Et puis alors, les jeux vidéo, j'en parle même pas, parce que jeux vidéo, là encore, on a une image complètement réductrice en fait aujourd'hui des jeux vidéo. Les jeux vidéo, bon, sont devenus le premier secteur culturel en termes de chiffre d'affaires, mais ça, à la limite, on s'en fiche, j'ai envie de dire. Par contre, beaucoup plus intéressant, depuis une dizaine d'années, on est sorti d'une logique purement industrielle, et maintenant, grâce au support numérique, grâce à Internet, grâce au téléphone portable, il y a plein de petits jeux vidéo qui sont créés par des petits créateurs indépendants. Et donc, actuellement, c'est vraiment un secteur, à mon avis, en toute honnêteté, moi je m'intéresse vraiment très près à la culture, je suis prof de lettres, je pense que au XXe siècle, la culture, le mouvement culturel, enfin disons le secteur, le médium culturel porteur, c'est le cinéma. Je pense que là, sur les années 2000, c'était les séries télé qui étaient vraiment novatrices, etc. Et là, les jeux vidéo sont en train de vont être le nouveau secteur culturel porteur et émergent dans les 5-10 prochaines années en termes de richesse culturelle. Voilà, pour continuer à répondre à sa question, il y a encore d'autres types de jeux. Hein. Il y a le jeu de rôle papier, par exemple, où on se retrouve à jouer avec des dés, voire même sans dés aussi, hein, on fait que jouer des rôles. Il y a le jeu de cartes, puis après il y a le jeu physique, on joue au bout, on joue au foot, on joue au rugby, voilà. Et pour développer un jeu, d'abord il faut des idées. Un petit peu de base si on fait par exemple sur des dés, les statistiques des dés, et surtout une bonne équipe de potes pour le tester pendant longtemps. Voilà. Et le jaquet, c'est quoi? Le jaquet, je connais pas. Ah oui, ça c'est du jeu de plateau. Ouais. Alors oui, bah la commercialisation, bah c'est toujours compliqué, hein, comme dans tous les domaines culturels, quoi. Moi, je connais pas trop le, donc comme j'ai déjà dit, je connais pas trop le jeu de plateau, mais je crois qu'il y a pas mal d'éditeurs, et je crois que l'un des problèmes du jeu de plateau, c'est qu'ils ont du mal à maintenir en fait à faire des rééditions. C'est-à-dire qu'ils publient le jeu une première fois. Ils attendent que le jeu se vende, et il faut vraiment que le jeu soit vendu très très rapidement, en très grande quantité, pour qu'il fasse une réédition. Donc souvent, l'un des problèmes du jeu de plateau actuellement, d'après ce que j'avais entendu, c'est que il y a beaucoup de jeux qui sont publiés une fois, qui peuvent être bien, qui se vendent, et une fois qu'ils ont été vendus, ils sont pas republiés parce que les éditeurs estiment que ça coûterait trop cher de les republier. Donc ça, c'est un peu le problème actuel du jeu de plateau, c'est un espèce de problème de mémoire, on va dire. Jeux vidéo, c'est la jungle. Il y a plein de supports pour acheter des jeux vidéo dans tous les sens. Les indépendants, c'est très dur pour les indépendants de se distinguer et d'arriver à montrer leur travail et à mettre en avant leur travail. Donc il y a quand même pas mal de concours, il y a quand même pas mal de presse, etc. spécialisés. Mais c'est quand même très très dur d'arriver à se distinguer dans le monde du jeu vidéo indépendant. Voilà. D'autres remarques, d'autres questions? Oui, moi je voudrais parler un peu du plaisir de jouer. Il me semble que c'est quelque chose qui est complètement disparu. Je vais revenir même au thème précédent de l'esthétique. C'est-à-dire ça remonte plus ou moins aux premières théories de Darwin et néolibéralisme qui vont bien ensemble. C'est-à-dire qu'il faut, déjà avoir une certaine capacité, une certaine force, certains talents pour appartenir à un groupe, devenir absolument le leader du groupe. Donc, il faut, si c'est nécessaire, modifier son apparence ou bien faire du bodybuilding, etc. Si on n'est pas costaud, ou les jeux d'aujourd'hui, c'est pareil, c'est tous des jeux qui sont faits pour gagner. Il faut absolument gagner. C'est pas du tout le plaisir de jouer, c'est le plaisir de gagner uniquement et de faire perdre les autres. Et c'est complètement différent du fait de jouer au ballon dans la rue, où tu commences à jouer, tu te fais plaisir, à la fin personne n'a gagné, personne n'a perdu, tu n'en as rien à cirer, mais tu t'es fait plaisir. Bonsoir tout le monde. Je vais faire un hommage à un professeur que j'ai eu, il s'appelle Khamel Nordin, professeur j'ai un niveau de bac 87. Hein. Ah, attendez, j'ai un bac 87, hein, j'ai pas de niveau universitaire. J'ai passé avec lui les 3 dernières années en anglais, je n'oublierai jamais de ma vie. Il s'appelle Khamel Nordin. Attention, quand tu rentres chez lui, il faut sortir toutes les cigarettes. Il faut rester avec les cigarettes, ça peut le mourir. Il n'y a pas de cigarettes Marlboro, hein. Il nous a dit ça. Pas de cigarettes Marlboro, il a dit, le premier jour. Hein. Vous sortez un paquet qui s'appelle Marlboro, qui a disparu, écoutez les 6 euros, vous fumez, vous sortez... dans la cour, vous fumez. Mais dès que vous rentrez à la classe, vous dire, on était des adultes, personne ne bouge. Vous restez inerte et vous écoutez ce que je dis. Et le mort, que Dieu ait son âme, et celui le fondateur d'une association qui se trouve toujours à Casablanca, je ne sais pas à quelle date, je vois un drapeau là, Palestina, c'est Omanal, c'est la terre, notre mère, la terre, vers la mère Sultan, et chaque année, le whisky à flot, tout le monde boit, comme je vous disais, universitaire, dans des cafés. Il parle librement de la cause palestinienne. C'est un grand homme, je le respecte. Khamel Nordin, je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est tout, je vous dis. Merci beaucoup. Il ne faut pas éviter de passer par là. Alors, qu'est-ce que j'allais dire Le plaisir de jouer, ouais. Non, c'est très difficile de définir le plaisir de jouer, en fait. Parce que je pense que, justement, la compétition fait partie du plaisir de jouer. Moi, je pense que le jeu, c'est quand même une mécanique. C'est-à-dire qu'il y a des règles qui nous entraînent dans une logique où il y a une certaine logique pour gagner, où il y a une certaine logique pour réussir. Je pense que la notion de réussite, quand même, elle est présente dans le jeu. Même quand on joue ensemble, même quand on joue pas en compétition, quand on joue en coopération, en général, quand on joue en coopération, c'est pour parvenir à un objectif, quoi. C'est-à-dire que on joue en coopération contre le jeu, dans ce cas-là, en général. C'est rare qu'on joue... c'est les enfants, si vous voulez, qui vont jouer à s'imaginer juste des scénarios avec des poupées ou avec des... Les enfants peuvent être dans une logique de pure construction, peuvent prendre un paquet de Lego et puis s'amuser à construire des choses sans autre but que de construire. Mais je pense que justement, le jeu quand même repose essentiellement sur cette logique du gagné-perdu ou du réussi-échoué. Enfin voilà, on peut en discuter hein, après. Mais du coup, je pense qu'il faut quand même une mécanique derrière. Le plaisir de jouer vient aussi du fait qu'il y a une mécanique comme ça, une tension dans le jeu. Mais bon, ça, on peut en discuter. Vous avez des commentaires à faire ? Non, en fait, c'est pas vraiment un commentaire, mais je trouve ça vachement intéressant sur l'idée de gagne ou pas. Enfin, ce qu'on se disait en aparté avec Adèle, est-ce que vraiment les enfants, est-ce qu'on leur apprend pas à faire ça aussi ? Est-ce que c'est ce que vous disiez que c'était naturel ? Mais je sais pas. Oui, parce que moi j'ai déjà fait étant adulte des jeux de rôle, enfin des jeux, d'ailleurs c'est marrant, jeux de rôle ou jeux de rôle, mais il y a tout à fait, enfin c'est là où du coup en effet je rebondis sur ce que tu dis, parce que est-ce qu'aux enfants on leur apprend pas aussi déjà à faire des jeux utiles, c'est-à-dire, et donc du coup être en compétitivité, gagner ou perdre, mais enfin il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et alors, voilà, c'est très intéressant que tu dises, bon, les jeux d'enfants, peut-être que c'est plus facile. Oui, peut-être que c'est plus facile parce qu'on leur laisse la possibilité du plaisir à jouer. Alors que, non, quand on est adulte, bon, ce serait perdre du temps, enfin, de prendre du plaisir à jouer. Non, il faut quand même en tirer quelque chose, donc il y a un gagnant, un perdant. Donc, je ne sais pas finalement si c'est une question, voilà, d'enfant-adulte ou si c'est pas une question plutôt d'apprentissage et de question du temps aussi. Je vous donne la parole tout de suite, c'est juste pour répondre à ce que tu viens de dire. Et en fait, c'est vrai que, en fait, en y repensant quand tu parlais, je me rends compte que le jeu vidéo qui actuellement a le plus de succès, qui est le plus répandu au monde, etc., paradoxalement, c'est justement un jeu qui n'a pas d'objectif, c'est Minecraft, qui est un espèce de pur jeu de construction virtuelle avec des blocs qu'on assemble un peu comme on veut, etc. Et les gamins, ils passent des heures et c'est actuellement la meilleure vente absolue. Et je crois d'ailleurs que Lego est aussi la meilleure vente en termes de jouets. Donc finalement, oui, ça renverra ce que tu dirais. Il y a peut-être quelque chose de, peut-être une innocence perdue en fait, effectivement, dans cette idée de gagner ou de perdre. Ouais. C'est possible. C'est pas que l'innocence qui est perdue, c'est beaucoup de choses. Mais content de savoir que tu es adulte. Et il y a une autre dimension du jeu. C'est que à peu près à la même époque où ont commencé les jeux vidéo, il y a eu des théories sur les jeux, des théories mathématiques sur les jeux. Et maintenant, je ne sais pas comment le dire parce que c'est pas mon truc. Ça. Dans le jeu, il y a une idée de maîtrise du hasard. C'est-à-dire, moi, je vais être plus fort que le hasard. Plus fort. Il y a des choses, des impondérables, des choses qui vont être contre moi, que je ne peux pas maîtriser, mais je vais être quand même le plus fort. Et c'est quelque chose qui se développe. Moi, je viens de déménager, par exemple, à Meaux. C'est une petite ville, pardon, pas loin d'ici. Et je suis affolé de voir ce que les gens dépensent pour acheter des jeux, pour payer des loteries, du hasard, des choses comme ça. Et... J'avais lu il y a une époque où je m'intéressais justement au destin, on va dire. Est-ce qu'on maîtrise le destin? Est-ce qu'il y a le hasard? Et dans les jeux, il y a la matière pour penser là-dessus. Et je sais que dans tous les gouvernements, il y a des logiciels d'aide à la décision. C'est-à-dire quand il y a des décisions à prendre, par exemple, maintenant avec le Brexit, c'est le bordel. Bon, ben, ils vont chercher le mathématicien qui va sortir le logiciel, qui dit voilà, il y a tel impondérable. À la fin, la bonne décision pour gagner, d'une certaine manière, c'est ça. C'est pas un être humain qui décide, c'est le jeu. Et ça, moi, c'est, le jeu vidéo, enfin tout ce qui est en train de se faire maintenant, c'est pour nous conditionner à dire, nous qui sommes là, nous sommes des cons, des imbéciles, mais il y a des gens super intelligents avec l'informatique qui savent bien qu'est-ce qu'il faut décider. Donc c'est pas la peine de faire des élections ou des choses comme ça, parce que vous pouvez pas comprendre. Ouais, je te donne la parole tout de suite. Non, juste pour réagir, effectivement, ça c'est ce qu'il y a dans les casinos en fait. C'est-à-dire que les jeux de hasard qu'il y a dans les casinos sont calculés pour que de toute façon, au niveau des probabilités, il y a une majorité de sous qui reviennent au casino. Donc c'est effectivement le principe quoi. Et l'économie, j'écoutais Paul Jorion l'autre jour qui parlait de l'économie moderne, qui explique justement que il y a des logiciels extrêmement performants qui sont capables de vendre et d'acheter des actions au moment pile poil où il faut, et que paradoxalement on laisse en fait les transactions boursières ouvertes à l'humain pour qu'il y ait des humains qui jouent et que les humains perdent en fait. Et qu'en réalité, voilà, mais le fait qu'il y ait des humains qui investissent et qui perdent permet de ramener des sous dans le système. Je voulais juste dire, les jeux ne sont pas toujours basés sur la compétition. Par exemple, le jeu de rôle en soi-même, une fois j'avais joué une partie, on avait des personnages pré-tirés, on a tous perdu à cause de mon personnage parce que j'avais bien joué le rôle de mon personnage. On est tous morts et tout le monde était content d'être mort en ayant bien joué son personnage, voilà. Donc il y a toujours des trucs où même s'il y a des objectifs et tout ça, c'est pas grave si on les remplit pas, on prendra quand même du plaisir. Vous me faites rigoler. Ah oui, parce que en ce moment vous parlez de l'intelligence artificielle. Ce dont tu parles, c'est l'intelligence artificielle. Il a gagné contre le hasard. C'est tout. Il y a des logiciels pour ça, je veux dire. Bon. vous me faites rigoler, franchement. Je vais revenir sur la question des jeux de rôle qui a été évoquée deux, trois fois, là. Alors, les jeux de rôle, je sais pas, en fait. J'ai un avis... pas négatif ou positif dessus, mais j'ai un avis nuancé. Déjà, je pense pas qu'on puisse les intégrer vraiment dans le cadre général des jeux. C'est quand même un cas particulier. Pour moi, le jeu de rôle, il est entre. En fait, le jeu de rôle, c'est une espèce d'utopie pour moi, qui serait celle de la fiction interactive ou de la narration interactive, de la narration dans laquelle finalement le joueur ou le spectateur serait acteur. Hein, c'est ça l'idée en fait du jeu de rôle. Et on voit que actuellement c'est un problématique avec laquelle les jeux vidéo sont en train de beaucoup travailler, sur laquelle les jeux vidéo sont en train de beaucoup travailler. Moi personnellement, mon gros projet en dehors de Jeux Debout, c'est un jeu comme ça narratif. Il m'arrive, ça fait un moment que je suis dessus là, ça fait quasiment 3 ans que je suis sur le scénario de ce jeu et j'en arrive à des proportions complètement démentes parce que pour une histoire qui devrait durer à peu près 1 heure, j'essaye de construire des variations les plus riches possibles pour le joueur. Et donc la dernière fois que je me suis mis au boulot là, c'était quand j'ai eu un peu de temps devant moi, c'était au printemps. Il m'a fallu 3 jours pour mettre en place une scène, pour savoir où j'en étais de tous les fils de mon scénario, pour mettre en place une scène assez complexe, et il m'a fallu 3 jours pour écrire la scène, ce qui n'a rien à voir évidemment avec ce que ce serait pour un scénario classique de cinéma ou de télé, ou, enfin bref. Donc c'est vraiment une des questions, un des enjeux les plus complexes actuellement. Et donc il y a cette entreprise de jeux vidéo qui s'appelle Telltale qui a essayé de proposer des solutions. Là il y a des Français qui s'appellent Dontnod avec un jeu qui s'appelle Life is Strange qui essaye aussi de proposer des solutions, mais pour l'instant c'est un chantier en fait. C'est un chantier et le jeu de rôle, comme tu le dis quoi, ça dépend de l'investissement qu'on met dedans quoi. C'est-à-dire que ça dépend c'est quelque chose de très subjectif. Pour le coup, c'est encore Minecraft quoi. C'est-à-dire que c'est encore un truc à fabriquer soi-même quoi. Voilà. Quand vous disiez que le jeu de rôle était à mettre à part parce que si je résume, le spectateur voulait être acteur, mais c'est quoi la différence avec le jeu vidéo du coup? Parce que j'ai l'impression que c'est quand même un peu basé sur le même principe aussi. Alors, actuellement, les jeux vidéo, la narration, elle est là pour accompagner, c'est un thème, on va dire, c'est un thème qui accompagne une mécanique de jeu. C'est un peu comme si vous organisiez un jeu de chat avec des enfants et que au lieu de leur dire que vous jouez à chat, vous leur disiez vous jouez je sais pas moi au CRS aux manifestants quoi, et que vous disiez à un enfant au chat toi t'es le CRS et puis aux autres enfants vous êtes les manifestants. En fait, ce serait juste une manière de déguiser la mécanique, parce que la mécanique ce serait toujours celle du jeu de chat. Et c'est ça qui se passe dans les jeux vidéo, c'est-à-dire que dans les jeux vidéo en gros, vous avez des jeux de type labyrinthe où vous devez trouver la sortie, ou des jeux de type de combat où vous devez affronter un certain nombre d'ennemis, et après on vous raconte une histoire pour justifier un peu l'objectif purement ludique quoi. Et en général, les jeux fonctionnent là-dessus. Les jeux de rôle, on parlait de jeux de rôle, vidéo, c'est des jeux qui reposent entièrement sur la gestion, en fait. C'est pas des jeux où on incarne un personnage, c'est des jeux où on doit tuer un certain nombre d'ennemis pour devenir plus fort, etc., quoi. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, aujourd'hui, les jeux vidéo sont pas du tout narratifs, quoi. Même les jeux vidéo qui se prétendent un petit peu, qui prétendent permettre d'incarner des rôles, etc., souvent, en fait, fonctionnent sur des mécaniques de jeux qui sont très très clairement définies. Mais c'est un grand professeur aussi que je pense pas noter son nom pour l'instant. Mais un jeu vidéo, ça sert à quoi exactement? C'est ça ce que j'arrive pas, moi, à visualiser dans ma tête. Ah, ça serait un jeu de 40 euros, tu fais 3 jours à visualiser quoi exactement? Un personnage créatif, imaginatif, qui va t'aider à résoudre un jeu vidéo pour mon enfant. Je sais pas moi, 40 euros pour détruire un maître. Attends, on parle pas de ça. On parle d'un logiciel qui est coûté à l'état un certain nom pour un certain groupe de personnages dans toute une ville. Hein. Mais à 3 heures, putain, à l'internet, souffrir, se donner la tête, à quoi? Viens, tu me réponds, voilà. Je pense que, en fait, la question pourrait se poser aussi sur les livres, sur les romans, sur les films. Ça sert à quoi de regarder un film? Ça sert à quoi de lire un roman? Ça sert à rien finalement. Enfin, la culture, elle sert à rien. La culture, elle est là pour qu'on se distrait, pour être un espèce de miroir de nous-mêmes. Et les jeux vidéo, c'est ça, quoi. C'est-à-dire que les jeux vidéo actuels, ils sont sur le modèle de l'épopée. Hein, les jeux vidéo actuels sont sur le modèle de ces très anciens textes là qui dataient de l'Antiquité grecque ou du Moyen Âge, où il y avait un héros qui affrontait des ennemis, et puis on aimait, ou même les films de super-héros fonctionnent encore sur ce modèle-là. Hein. Donc on aime se projeter comme ça dans la peau d'un héros qui affronte des ennemis. Sauf que dans un film, on voit le héros qui se bat, mais là on se bat nous-mêmes. Donc finalement, la projection elle est encore plus forte, quoi, parce que l'interactivité rend l'identification encore plus forte. Donc c'est pour ça que les jeux vidéo ont autant de succès. Finalement, c'est des histoires qu'on connaît déjà, qu'on aime déjà sous d'autres supports, mais là qui prennent une forme interactive en plus. Et donc c'est pour ça que c'est une technique de plus qui rend encore les choses plus spectaculaires. Tu veux me répondre? Ouais. Ouais, je te laisse le micro. Moi, pour l'instant, je vous jure, un jeu vidéo, c'est même pas comment entrer. Comment sortir, comment créer, comment faire, comment... Mais si, excusez-moi, si ça se résolut dans une demi-heure pour les enfants, plus court, trouver une solution, facile. Ça se résolut dans le plus bref délai. Pour un jeune, 3 heures devant. Oh, tu sais c'est quoi ça? Elle va se bousiller le ménage, quoi. Comment il va faire le lendemain pour travailler, quoi? Ce qu'elle dit, c'est qu'on passe. Il y a des jeux qui font passer beaucoup, beaucoup de temps devant. C'est ça? C'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? Il y a des jeux qui font passer beaucoup, beaucoup de temps devant. Enfin, je t'ai pris la parole. Excuse-moi. Devant le PC ou la console ou voilà. Et mais je suis d'accord. Moi, franchement, pour te répondre, moi, je suis né avec les jeux vidéo. Moi, je joue tous les jours parce que je suis né avec. Depuis 6 ans, je joue. Donc pour moi, c'est comme. Enfin voilà. Par exemple, moi, je regarde pas du tout de séries, très peu. Enfin. Chacun, il y a des gens qui passent 3 heures chaque jour devant des séries. Enfin, après c'est, malheureusement, je suis né avec. Et je dis pas que je suis fier, hein, en fait. Tu veux répondre? Tous les gens, ils sont nés avec les jeux vidéo, monsieur. Non. Quoi? Est-ce que vous avez découvert un jeu vidéo à 6 ans? Ah, Oui, j'ai des... Ah oui, il y a 6 ans, même avant. Il y a 6 ans, j'étais en retard, pour vous dire. À 6 ans, j'avais déjà des copains qui étaient en avance. Donc, pour vous dire, à 6 ans, oui, j'ai découvert. Et en plus, le pire, c'est que j'étais content. Vous imaginez bien qu'à 6 ans, quand c'est le jouet que tout le monde a, vous imaginez bien qu'à 6 ans, j'étais plus que content de l'avoir, ce jeu. C'est... Il y a 6 ans, je suis incapable de prendre conscience de tout ce que ça peut amener, quoi. Donc, après, par contre, je rejoins complètement où il y a beaucoup de jeux qui font passer beaucoup, beaucoup de temps devant le PC. Après, ça, c'est vrai que pourquoi pas, c'est un point d'attaque quand même. C'est assez... Je réponds rapidement sur le temps, je vous donne la parole. Moi, il y a quelques années, j'ai lu les livres là qui ont inspiré Game of Thrones, là, donc la saga de George Martin, là, qui s'appelle en anglais Song of Ice and Fire. Donc ça fait 4000 pages à peu près, et ça m'a beaucoup plus absorbé. C'est des livres, hein, c'est des livres, 4000 pages. Ça m'a beaucoup plus absorbé que les jeux vidéo, et je pense qu'il y a, enfin, par exemple, pour moi, la littérature, c'est la manière la plus puissante et la plus efficace pour perdre son temps. Et j'ai absolument, à mon avis, j'ai pas gagné grand chose de plus en lisant les 4000 pages de George Martin quand je vois un jeu vidéo qui aurait duré la même durée, quoi. Pour moi, c'est vraiment, c'est de la distraction, tout ça. Donc, que ce soit de la littérature, que ce soit des jeux vidéo, c'est toujours de la distraction et c'est toujours fait pour s'oublier, pour faire autre chose, quoi, pour sortir de sa vie, quoi. Bon, alors moi, au niveau du temps, j'ai peut-être une autre approche. Je sais pas quel âge t'avais quand j'avais 23 ans. Moi, j'en ai 55. Donc moi, quand le seul truc qui me faisait kiffer en termes de jeux vidéo, il n'y en avait pas, c'est quand j'ai vu passer des avions de chasse, des trucs comme ça. Donc du coup, j'ai été pilote de chasse. J'ai été pilote d'avion, là, c'était pareil. Sauf que quand j'ai voulu sortir de ces conneries-là, bah, je suis devenu objecteur de conscience. J'ai pas voulu tirer, j'ai ma colonne vertébrale de bousiller. Après, j'ai dit non, ils m'ont foutu P4, machin, ils m'ont vraiment emmerdé. Et puis après, petit à petit, je m'en suis remis parce qu'ils acceptent pas quand on dit non. Donc j'ai dit non depuis longtemps. J'ai accompagné Mitterrand à l'époque à Berlin. En 85 et en 89 le mur tombait. En 85, je vous rappelle quand même qu'il y allait parce que les bombes atomiques allaient partir des deux côtés. Bref, toujours est-il que ayant vécu tout ça après j'ai une approche avec du recul, comme mes potes qui sont dehors, etc. Maintenant, eux ont du recul. Sébastien par exemple. Ils ont du recul, pourquoi ? Parce qu'ils sont en dehors de la société, mais pas vraiment en dehors. Ils voient comment ça se passe. Notamment là j'étais en train de me faire la réflexion. Sébastien avait envie de faire pipi, donc il veut rentrer dans le machin. Attends. Il veut rentrer dans le truc. Donc il faut qu'il attende 15 secondes que le lavage soit fait. Et au bout de 15 secondes, le truc s'ouvre. Mais il faut bien avoir conscience que cette gestion du temps, c'est la même qu'ils nous ont balancé quand ils nous ont mis des montres et des machins et tout ça, et qu'ils ont commencé à nous mettre à la chaîne avec des capots. Bon, pour moi, c'est des capots qui sont derrière, qui sont des contre-maîtres, et qui disent ça va pas assez vite. Prenez bien conscience que cette gestion du temps, nous. Peut-être on a peut-être une vie qui nous rallonge, mais mine de rien, on a de moins en moins de temps pour nous. Parce que c'est peut-être court, mais par exemple, si vous parlez vite, parce que ça vous oblige à parler vite pour être entendu, parce qu'il faut aller très vite et être intéressant, parce qu'autrement les mecs décrochent, surtout les jeunes. Donc du coup, on n'arrive même pas à respirer. Quand j'étais à Nuit Debout, c'était un partage, on était toujours en train de parler, vous rentrez, vous finissez Nuit Debout, vous êtes totalement fatigué. Mais pourquoi ? Parce que vous respirez plus. Donc tout ça, c'est une société qui nous amène à nous oublier, aussi bien dans les bouquins que ailleurs. Et je rejoins notre ami en disant que ça commence par la lecture. D'abord, on commence à lire des conneries, parce que c'est des conneries. Je dis pas qu'il faut oublier, qu'il faut pas oublier, qu'il faut pas jouer. Il y a des jeux plus intelligents que d'autres. Mais à la fin, on rentre dans un truc comme ça, on aime bien, on va lire par exemple... Picsou, manque de bol, il y a marqué onc avec une machin, après on fait des SMS, machin, on trouve ça naturel. On lit pas pif, par exemple. Et puis ainsi de suite, ainsi de suite. Et petit à petit, on va dans des voies, pas parce qu'on a décidé, mais ainsi de suite. Un dernier exemple, je finis, Sébastien. Un dernier exemple, par exemple, on se rend pas compte. J'ai fait un bac c'est un bac sciences de l'ingénieur. On s'aperçoit bien, par exemple, c'est exactement les bannières qui vous foutent, Orange, Bouygues, etc. C'est exactement comme quand vous allez dans un Auchan. Qui vous change les produits pour que vous passiez dans d'autres rayons pour que vous puissiez acheter tout. Ils savent très bien derrière, ils étudient avec l'algèbre de Boulle et ou non, machin et tout. Ils savent très bien que vous passez pour avoir une information, si c'est le sport qui vous intéresse, par tel lien, tel lien, tel lien. Parce que vous préférez plutôt la nomenclature, plutôt les images, plutôt etc. Et à la... une marque, voilà, une marque ou n'importe quoi. Et à la fin, ils vous font passer par ce lien-là pour avoir votre information, et après, ils changent les liens. Comme ça, vous allez passer devant des images, des autres trucs, des machins, qui ne vous intéressent pas du tout, pour que vous les assimiliez. Et en plus de ça, il ne faut pas oublier que les archétypes, c'est des archétypes aussi dans le dessin, comme vous avez par exemple un bouquin qui a été écrit sur la psychanalyse des dessins animés, ça commence déjà tout petit, mais en plus de ça, les archétypes peuvent être aussi et verbaux et écrits. Moi, par exemple, pour la dernière truc que je pourrais dire, c'est quand on voit, par exemple, la Troïka, ça ne veut pas dire la même chose en Tunisie qu'ici en Europe. Et pourtant, c'est la Troïka, c'est l'attelage à trois chevaux qu'on retrouve partout. D'un côté, parce qu'on ne veut pas dire islamiste, de l'autre côté, parce que... Mais tout ça, en hauteur, c'est la même chose. Et il faut se rappeler quand même que Perestroïka, c'était la Russie, et qu'après, la Glasnost, et que Perez, ça veut dire en espagnol « pour », et tout ça n'est que de la manipulation mentale. Donc c'est comme ça que ça se passe. Si on n'en a pas conscience, donc en gros, il faut vraiment avoir l'esprit exercé, et peut-être qu'évidemment, si tu arrives à en sortir et à y rentrer, ben c'est formateur. C'est formateur, mais ça dépend de ce que tu en fais. L'outil forme la pensée des hommes. Et il faut savoir s'extraire de cet outil pour dire, c'est moi qui veux faire quelque chose avec cet outil, c'est pas l'outil qui va faire quelque chose de moi. Nous sommes dans une société qui s'est laissée prendre par son propre outil. C'est pas bon, donc il faut absolument qu'on arrive à reprendre l'outil en main. Et ça commence par virer ceux qui essayent de nous faire faire le contraire. Moi, je souhaiterais vous demander un truc. Je repasse au niveau des toilettes. Calculez le nombre de toilettes sur la place de la République et allez sur les quais Saint-Martin et calculez le nombre d'urinoirs qu'il peut avoir. Et après, vous verrez bien qu'il y a un manque et c'est M. Augustin Legrand qui a demandé ce nombre sur le quai Saint-Martin. Alors pourquoi pas mettre le nombre qu'il y a eu de toilettes publiques, d'urinoirs, sur la République. Et imaginez là maintenant, parce que là il parle du nombre d'urinoirs, mais imaginez que là maintenant on ait tous envie de pisser grave, et qu'il n'y en a qu'une seule là-bas, on y va. Vous allez là, alors à chaque fois vous attendez que l'autre ait pissé, plus les 15 secondes, plus machin, ben bonjour. Alors pour revenir sur le jeu vidéo, vous demandiez à quoi sert le jeu vidéo, à quoi ça peut servir. Alors il y a de nombreuses études qui ont expliqué par exemple que les jeux vidéo aident au développement des réflexes, aident au développement de prise de décision rapide, et par rapport au, par exemple à des cas d'autistes d'Asperger avec les jeux de rôle en ligne, les MMORPG, comme on appelle ça, massivement multijoueurs, ça leur permet aussi d'apprendre à avoir un minimum de sociabilisation, commencer à discuter avec des gens parce qu'ils ont la protection de leur personnage, d'être derrière un écran, et de pouvoir ne pas montrer qu'à la base ils sont différents et apprendre à discuter avec les gens. Voilà. Non mais laisse-le. Bon, je voulais juste faire un point technique. Il me semble que t'as pas tort, largement pas tort, mais que on agit là sur un équilibre instable. En physique, on a l'équilibre stable, puis il y a l'équilibre instable. Avant de pouvoir vivre sur un équilibre instable, il faut déjà que la population soit capable de rester en équilibre sur cet équilibre instable. Alors, équilibre instable, c'est celui du, comme pour ceux qui savent pas, c'est celui du funambule qui est en équilibre, mais il est en équilibre instable. Nous, on est équilibre stable. On est là, on n'a pas de problème. Donc, l'équilibre instable, c'est montrer que tout compte fait, effectivement, l'autiste se démerde pas mal avec un équilibre instable, et heureusement, parce que c'est exactement dans l'état où il est tout le temps, dans un équilibre instable. Donc cet équilibre instable est un bel équilibre. Mais je peux vous jurer que cet équilibre instable, il est très très dur à tenir. Et on vous fait jamais de cadeau. Et mine de rien, entendre un autiste, c'est aussi être autiste. Non, c'était juste une petite précision. Juste le point technique, c'est quand vraiment il y a une remarque technique et Oui. C'était une réponse directe, mais c'était pour préciser un point technique. C'est... Non, mais c'est important pour que la parole tourne aussi et que tous les gens puissent s'exprimer. Voilà. Mais c'était tout, c'était pas du tout. Oui, en fait. Monsieur, on peut faire un rappel, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Ça, alors, en fait, le point technique. Non, mais je suis en train de vous. Je vais le faire. Je vous dis, ça, c'est un point technique. C'est quand, par exemple, il y a quelque chose à dire directement qui n'est pas forcément en rapport avec ce qui est dit ici. Je ne sais pas, mobilisation là-bas. Voilà, ça, c'est le point technique. C'est-à-dire une information à donner en une minute, même pas. Ça, c'est le point technique. Par contre, si vous voulez répondre directement sur ce qui est en train d'être dit, vous faites ça. Ça, ça veut dire réponse directe. Voilà. Et alors, après, si vous n'êtes pas du tout d'accord, ça, c'est opposition radicale. Et donc là, opposition radicale, on vous donne aussi la parole une fois que la personne a terminé de parler. Voilà. Bon, du coup, moi je voulais rebondir sur pas mal de choses en fait. Ce qui avait été dit là-bas sur la question de l'utilité, parce que bon, du coup, vous y avez un petit peu répondu, mais pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément qu'on fasse des choses utiles? Après tout, voilà, vous avez parlé donc des jeux, de lire un livre, ça peut être, donc moi je voulais ramener, du coup on en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure, la possibilité de se faire plaisir. Voilà, on lit un livre, on se fait plaisir, on part dans un imaginaire, on se fait plaisir, et c'est, voilà, déjà ramener ça comme on a le droit, enfin c'est possible. Par contre, là où il y a le retour, c'est que en utilisant le plaisir des gens, il peut y avoir une idéologie derrière qui fait que ça va être utile pour le gouvernement en place ou autre, qui fait que en pensant juste, voilà, en se faisant plaisir dans quelque chose, hein, finalement on est en train de fonctionner, de se faire fonctionner et de faire fonctionner notre propre plaisir dans un système, et là on s'en rend pas compte. L'autre point sur lequel je voulais rebondir, c'était, bah je sais plus, bah je reviendrai dessus tout à l'heure. Ah oui, si, exact. C'était sur le jeu de rôle, parce que vous avez dit à un moment que c'est, bah, le contrôle, c'était sur le contrôle. C'est-à-dire, est-ce que quand on joue, c'est pour contrôler? Il y a quand même un aspect du jeu qui est vraiment ça, c'est-à-dire du coup on arrive dans un environnement maîtrisé, il n'y a pas du hasard, et donc il peut y avoir des jeux sur le contrôle du hasard. Mais là où c'est différent justement dans les jeux de rôle, ou les jeux à plusieurs participants, c'est qu'il y a quand même la part de l'autre qui arrive et qui modifie du coup les instances du jeu tout le temps. Et il me semble que dans les jeux vidéo, c'est de plus en plus des jeux à plusieurs, où voilà, on n'arrive pas, nous, en tant que personnage, dans un environnement déjà fait comme ça. Et donc du coup, il y a toute une part de hasard, et en tout cas de l'autre qui vient. Ouais, comme moi, je suis têtu, je voudrais revenir sur le plaisir, mais aussi le conditionnement. Dans la société d'aujourd'hui, quand on fait un jeu, enfin je suppose, on essaie de faire quelque chose de rationnel, c'est-à-dire d'intelligent. Et on vit dans une société où il y a des bombes atomiques qui peuvent détruire mille fois la planète. On est en train de s'autodétruire avec nos ordures, on est en train de détruire tout ce qui est culture, tout ce qui est social, etc. Mais ça, il ne faut pas parler de ça. Non, ça c'est normal, c'est bien. C'est rationnel. Et d'un autre côté, on conditionne pratiquement tous les jeunes à se rapporter aux autres et au monde simplement mentalement. C'est-à-dire le corps est toujours exclu. Et à partir du moment où le corps est exclu, le plaisir est exclu. Et c'est complètement différent, même de lire un livre, de tenir un livre dans sa main. On peut lire le livre à son rythme, de son intelligence, de sa respiration, des émotions qu'on peut avoir quand on est en train de lire un truc qui nous touche. On referme, on attend, on reprend. Le jeu vidéo, c'est pas possible. C'est tout le temps, complètement en dehors de son propre rythme biologique. Et forcément, oui, forcément. Enfin, moi, je suis aussi un peu thérapeute. Hein, forcément, on devient fou quelque part. Je pourrais expliquer ça, mais bon, c'est pas le moment. Mais aujourd'hui, juste, c'est quand même en train d'évoluer. Pardon. En train d'évoluer, en fait, dans le jeu vidéo, quand même. Il y a justement le corps est en train d'arriver dans le jeu vidéo, quoi. Donc là, il y a de plus en plus d'outils où on se sert de notre corps, même dans le jeu vidéo. Donc du coup, je sais pas. Juste une précision, comme il parlait aussi de l'outil. Et à ce moment-là, le jeu vidéo, même avec le corps, les manettes, les, comment on appelle ça, les trucs pour percevoir, le corps lui-même devient un outil pour jouer avec le jeu. C'est plus mon corps. C'est mon corps est dans l'outil. Et l'outil est dans mon corps. C'est encore pire. Ouais, je vois, c'est assez... Ouais, je crois que pour résumer un peu, en fait, c'est le problème de la culture, en fait, au-delà du jeu. Il faut pas considérer le jeu vidéo ou le jeu comme autre chose que la littérature ou comme autre chose que le théâtre ou le cinéma, etc. Il y a pas de hiérarchie des arts, quoi. Faut vraiment sortir de cette idée-là. Les jeux sont un nouveau support culturel. Les jeux de plateau, les jeux vidéo, etc. Tout ce que vous dites là, en fait, on se retrouve forcément dans des arguments un peu artificiels. Je crois que le fond du débat, c'est ce qui a été dit tout à l'heure par Adèle, c'est ça ? Donc c'est en fait la culture, on ne sait jamais si c'est transgressif ou au contraire finalement une manière de effectivement d'imposer une idéologie, quoi. Quand vous lisez, vous passez des heures à lire, enfin reprenez le personnage de Don Quichotte, il passe des jours et des années à lire des romans de chevalerie, et donc en même temps les romans de chevalerie c'est des œuvres qui expriment un peu l'idéologie du monde dans lequel il vit, donc un univers aristocratique où il y a des grands seigneurs qui se battent contre des ennemis machin je sais pas quoi, et en même temps Don Quichotte il est considéré comme un fou parce qu'il lit trop et donc il devient fou, et voilà, c'est l'art, il est toujours à la fois transgressif et en même temps il porte des valeurs. Et finalement, le débat actuel sur les jeux vidéo qui font perdre trop de temps, qui rendent les gens fous, je sais pas quoi, c'est le même débat qu'il y a eu au 19e siècle sur les romans avec Madame Bovary qui rendait les gens fous, et c'est le même débat qu'il y a eu sur le cinéma avant, quoi. Voilà. C'était juste pour dire, que je suis d'accord, il y a exactement les mêmes dangers, je pense, avec la lecture, les. Enfin voilà, il y a les dangers et les bonnes choses, quoi. Enfin, je pense que c'est similaire, c'est une culture, quoi. Parler d'une chose sur la science et comment on l'appelle, elle, en arabe. Il y avait des savants avant nous qui. Attention, il n'y avait pas de jeu de vidéo à l'époque. Il donnait une imagination sur un art avec ce qu'il avait comme science à lui. Hein. Attends, ce qu'il avait comme science, il avait lu. Hein. C'est des livres, hein. c'est pas d'ignorance. C'est des livres qu'il a lu, qu'il a imaginé. Ouais, il y avait des Perses qui, juste, écoute, ce que je dis, ah, j'ai lu ça, ah, j'ai lu. Juste en inspirant sur l'âme, il pouvait prendre cette feuille, donner un médicament pour donner une résolution à une maladie. C'est un Perse. Là, j'ai entendu ça. Ah, il est enterré à Macédonien, d'une médecin après. Oui, j'ai eu ça. J'ai eu, au Moyen-Orient. Il s'appelle, je ne sais pas son nom, mais il est né à Macédonien. C'est un Perse. Je vous assure. Juste avec. Attendez encore. Tous les sultans, ils donnaient des cadeaux pour se savoir. Non, ça vient. Ah, attends, non. Excuse-moi. Pour ça, ils vivaient bien. Mais les cadeaux, non. C'était quelque chose de résultat. De quoi ? D'un médicament ? Je voulais juste dire que j'ai jamais condamné les jeux vidéo. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas en faire. Je veux dire que sur 100 personnes qui jouent, il y en a peut-être 10 qui vont devenir super intelligents et 90 qui vont devenir fous. En termes de jeux vidéo, moi aussi, j'ai jamais dit que c'est au contraire. Justement, j'en parlais là en faisant un point technique. Justement, point technique, je proposerai ça à l'AG tout à l'heure. J'aurais préféré une parenthèse qui signifierait plus chez moi une incise, et ça m'aurait fait mieux comprendre. Que point technique, j'ai l'impression que je vais être là pour justement faire une réponse directe. Bon, bref. À part ça, c'était pas ça, mais je proposerai ça à l'AG. Et il y a un autre truc aussi à Toulouse qui se fait bien, qui proposera peut-être, et je l'accompagnerai sur sa proposition. Donc ce que je voulais dire, donc j'étais pas contre les jeux vidéo, bien loin de là, mais ce que je veux dire, c'est que à chaque fois, le danger était le suivant, c'est que, comme disait le grand poète, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et tout le jeu de ce qu'on appelait les réactionnaires, ça a été de nous couper du pieu de la chef de Monsieur Seguin, parce que la science, c'est explorer, et une fois qu'on a exploré, on va un peu plus loin, et on fait un rond comme ça, ou une sphère, et on va de plus en plus loin. Alors, c'est pas ce qui se passe dans la plupart des trucs, parce que tout est fait en emballant la réactivité et en emballant les interactions avec un temps de plus en plus court. Tout est fait pour faire un nuage de fume, de brouillard, et du coup, on perd notre début. Et quand on perd de là où on vient, au lieu que ça soit une émancipation, eh ben, on en arrive à être perdu dans les nuages sans avoir de repères. Moi, j'ai été pilote dans l'armée. Je peux vous dire que quand on est dans les nuages, si on n'a pas d'instrument de bord, on n'est pas dans la merde. Donc, du coup, ça revient à un truc. Mais c'est là où je veux dire qu'à un moment donné, faut savoir d'où on vient, où on va. Et ça, faut pas le perdre de vue. Et je pense qu'en réduisant le temps, moi, pour l'avoir fait, je peux vous dire que plus le temps est court et plus il faut calculer peut-être des sinus, des intégrales et tout ça pour savoir où on est dans l'espace, moi, on y arrive. Ouais, non, je réponds très rapidement. Je dirais que ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est que quand même les livres, les jeux vidéo, ça nous permet aussi de nous construire. Ça ne permet pas juste de nous perdre. C'est-à-dire que quand on regarde Indiana Jones ou qu'on lit Alexandre Dumas, des personnages comme Indiana Jones ou comme D'Artagnan, hein, c'est quand même des modèles aussi qui permettent de construire l'individu, quoi. Donc ça nous permet aussi d'aller au-delà, quoi. Faut pas non plus réduire faut pouvoir réduire la culture à l'évasion, quoi. Même si et justement par l'évasion, on se construit aussi, quoi. C'est ça, il faut aussi Madame Bovary, si elle se plonge dans ses romans, c'est pas parce que c'est pas les romans qui rendent Madame Bovary folle, quoi. C'est parce que elle est mal mariée à un mari qu'elle aime pas, etc., que à ce moment elle plonge dans ses romans, elle commence à faire n'importe quoi, quoi. Donc on fuit dans la culture parce qu'on a besoin de fuir dans la culture à cause du réel. Donc faut d'abord régler les problèmes réels. Une fois qu'on a réglé les problèmes réels, on pourra se demander peut-être si la culture, oui ou non, a une influence sur les gens ou pas, quoi. Je trouve que c'est vraiment une question totalement secondaire par rapport à la réalité, quoi, par rapport aux problèmes sociaux, etc., quoi. Moi, c'est ce que je dis toujours. Si vous voulez vérifier si les jeux vidéo sont violents, ok, ben vous réglez tous les problèmes sociaux, économiques, etc., et après on pourra voir. Parce que la violence, je pense qu'elle vient d'abord de la réalité avant de venir de la culture. Et la demoiselle avait quelque chose à dire. Moi, j'avais une question, justement, enfin, c'est lié oui et non, mais vous y connaissez apparemment pas mal en jeux vidéo. Moi, c'est pas du tout mon cas, et j'avoue que je suis assez sceptique par rapport aux jeux vidéo, clairement. Mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous êtes pour l'interdiction des jeux vidéo type GTA, des choses comme ça, où on peut apparemment, parce que moi, j'ai jamais vu, mais où on peut violer des femmes ou des... Bon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes pour l'interdiction radicale? Alors, GTA, c'est un jeu vidéo qui a énormément de succès. C'est le plus gros succès du jeu vidéo actuellement. C'est vrai que c'est très violent. Et en même temps, c'est super transgressif, quoi. C'est un jeu vidéo hyper satirique où on nous présente la société capitaliste comme espèce de d'univers complètement sauvage où n'importe qui peut faire n'importe quoi. Donc c'est aussi un jeu. Les groupes qui ont souvent voulu interdire GTA, etc., c'est souvent de groupes de droite voire d'extrême droite, hein, parce que c'est un jeu transgressif. Et souvent, il y avait eu un article dans le Monde Diplomatique il y a quelques années là-dessus. Les discussions, il y avait des débats sur GTA, mais par contre, il n'y avait pas de débats sur des jeux comme Call of Duty, etc., qui eux sont des jeux très idéologisés où en gros on joue des Américains dans le désert qui tuent des Arabes, et là ça pose pas de problème, quoi. Alors que GTA, ça se passe en ville, on joue des gangsters comme ça, effectivement, qui malmènent la société capitaliste bourgeoise un peu établie, où on se retrouve face à des mecs en costard insupportables, et donc on peut leur taper dessus, leur tirer dessus, leur voler leur voiture et compagnie. Donc il y a une dimension quand même très transgressive dans ce jeu. Maintenant, pour ce qui est de l'interdiction à proprement parler, il y a déjà une vignette sur les GTA qui interdit qui les déconseille au moins de 13 ans ou de 16 ans même, je crois, ou enfin, peut-être même 18, j'en sais rien. Enfin, ils sont déjà interdits aux mineurs, et là, c'est vraiment le problème, il vient des parents, quoi. Là, c'est vraiment la responsabilité des parents de vérifier que leur gamin joue pas à ces jeux-là, quoi. Le viol des femmes, alors très précisément, il y a eu une édition du jeu qui doit dater de 2006. 6, 8, par là, qui doit noter 2006. Donc, qui était l'édition qui s'appelait San Andreas, qui date maintenant un peu, sur laquelle, en fait, on avait trouvé qu'il y avait moyen d'aborder des filles dans la rue et d'aborder des filles dans la rue, et il y avait un mini-jeu qui avait été retiré de la version finale mais qui était resté dans le code. Donc c'était des pirates qui avaient trouvé ce mini-jeu qui permettait de simuler des positions sexuelles comme ça, variées avec les filles qu'on rencontrait dans la rue, mais c'était pas un jeu de viol de toute façon. Et ensuite non, je suis d'accord. Et après il y a effectivement, je crois, dans la dernière version je vais dire des bêtises. Je me demande si dans la dernière version on peut pas emmener des prostituées dans sa voiture, enfin voir des prostituées qui font le trottoir et leur proposer de venir dans la voiture moyennant une somme d'argent, je ne sais quoi. Il y a un autre jeu qui a eu beaucoup de succès cette année, qui est un très très beau jeu, qui s'appelle The Witcher 3, qui lui est tiré d'une série de romans d'heroic fantasy polonais, dans lequel le personnage est un personnage assez macho, et là donc le personnage rencontre des prostituées, on peut rencontrer avec le personnage des prostituées, et on a des scènes de sexe très rapides, très soft, avec les prostituées. Donc c'est une problématique qu'il y a actuellement. Moi c'est les liaisons dangereuses, quoi. Est-ce qu'on a le droit ou pas de décrire le viol de Cécile de Volanges dans les liaisons dangereuses, quoi. Et ça, c'est un des chefs-d'œuvre. Bah oui, Cécile de Volanges dans les liaisons dangereuses, elle se fait violer. Enfin, relisez la scène. Il arrive, il la touche d'un côté, puis il la touche de l'autre, puis il la viole, quoi. Donc il y a un viol de mineur dans les liaisons dangereuses, et c'est une des scènes les plus marquantes de la littérature française, et c'est un des chefs-d'œuvre de la littérature française. Donc à partir de là, je pense que il faut distinguer. Il n'y a pas de morale dans les œuvres d'art, et souvent les œuvres d'art sont intéressantes parce qu'elles n'ont pas de morale, sont intéressantes parce qu'elles sont transgressives, quoi. Donc ça c'est la question de la culture en général, je dirais. Oui, en fait, je voulais dire l'histoire de viol, etc. En fait, on peut pas dire que l'œuvre d'art est neutre. Hein. L'œuvre d'art a toujours une posture. Et donc, en fait, dans les jeux, il va nous emmener dans cette posture. Et c'est la posture qui va être ou non transgressive. En fait, quand tu es dans GTA, tu transgresses rien parce que la personne, sa posture, c'est sa vie, c'est ça. Donc là, tu n'es pas dans le transgressif. Ce qu'il y a, c'est quand la posture que le créateur de jeu nous donne est transgressive, là, il y a quelque chose de transgressif. Pour ce qui est du viol, etc., il y a aussi un problème de banalisation de la violence. Donc, c'est pas juste GTA, c'est celui-là, et puis le suivant, et encore le suivant, et toute une pile comme ça. Et donc, à un moment donné, il faut faire attention. Pour moi, c'est toute une question de la posture. Voilà. Mais on peut pas dire que la culture... Si tu dis que l'œuvre d'art est neutre, c'est-à-dire que tu reviens à la culture est neutre alors que tu avais dit l'inverse. Non, ce que j'étais en train de dire au monsieur là, c'est le premier mythe de la culture occidentale, c'est Oedipe, quoi. C'est le mec, c'est le mythe le plus fondateur de notre culture. C'est le type qui couche avec sa mère et qui tue son père. Donc voilà, c'est ce qu'on aime dans la culture, c'est ça. Je voulais dire par rapport à la violence dans les jeux vidéo, la violence physique par exemple, ça a été prouvé que le jeu vidéo est un exutoire. C'est un peu comme une partie de rugby ou un match de boxe. Bon, moi j'ai fait du rugby et du hockey, je peux vous assurer qu'une fois qu'on sort du match, on n'a pas spécialement envie de se battre. Le jeu vidéo, c'est un peu pareil. Après, au niveau du viol dans le jeu vidéo, je veux dire, c'est pareil, quoi. On a tous vu, ou presque tous, je pense, c'est arrivé près de chez vous. Et c'est pas pour autant qu'on a violé des femmes et qu'on se dit que c'est une bonne chose, quoi. Pareil pour le meurtre de gens. Effectivement, le côté transgressif, ça peut amener plus à avoir un humour au second, voire troisième degré, qu'autre chose, en fait. Il y a plein de gens là. Non, c'est lui. Au niveau de la transgression. Il y a un côté jouissif. Il faut mettre des mots, et des mots exacts, et pas prendre des néologismes ou des trucs hyper culturels et intellectualistes. Je pense que oui, il y a un côté jouissif à faire quelque chose qu'on est incapable de faire, et que pour autant, justement, si on n'a pas à le faire, ça serait quand même mieux. Parce que entre moi personnellement, ce qui m'a rattrapé comme conscience politique quand j'ai pas tiré et que je me suis fait casser la colonne vertébrale, c'est justement parce que j'ai pas tué. Et pourquoi j'ai pas tué? Bah parce que justement je refusais malgré tout ce que j'avais eu comme justement d'effectuer, d'être transgressif et de faire. Pourquoi? Parce que la culture politique qui m'avait rattrapé, c'était celle de Gandhi. Et j'avais bien entendu que j'étais non violent, et que pour autant quand tu penses et que tu dis quelque chose, tu le fais ou t'es pas heureux. Donc je pensais être non violent, je disais être non violent, donc je l'ai fait, j'ai quitté l'armée. Par exemple. Et donc, dans la transgression, il y a quelque chose, non pas obligatoirement on va le faire, mais il y a quelque chose pour moi qui pose interrogation. Je ne dis pas que je vais l'interdire, parce que je suis incapable de dire pourquoi je l'interdirais ou pas, et que je ne me donnerais pas le droit d'aller castrer quelqu'un qui va me castrer ailleurs. Parce que quelqu'un qui me dit c'est obligé, c'est possible. Moi, je suis une femme, je vois des scènes de viol, déjà à la télé, ça me fait chier, je vais faire des trucs comme ça. Alors maintenant, je ne vois pas pourquoi ça ne m'emmerderait pas là. D'autre part, il y a un autre truc qu'il faut savoir, c'est que, bien entendu, les enfants, comme moi, j'étais enfant d'ouvrier, mes parents, ils étaient incapables de vraiment tout comprendre, les trucs intellectuels, machin et tout, ils étaient pas, ils comprenaient, mais ils ont compris bien plus tard, ils n'avaient pas le temps. Donc moi, j'avais aucune aide à part les professeurs. Donc j'étais beaucoup, beaucoup moins apte à pouvoir apprécier la culture. Je pouvais pas, j'avais pas la possibilité, j'avais personne pour m'expliquer. Là, il a fallu que je comprenne. Et donc moi, pour vous dire, enfin pour te dire, ça m'a conduit à aller jusqu'au bout, à être militaire, à mis en face de moi-même et devant l'horreur de l'humain dont je faisais partie. J'ai pas tué, j'ai pris ce choix-là, donc j'ai été jusqu'au bout. Et j'ai été mis aussi devant d'autres trucs, c'est qu'il y a des potes et tout ça, à l'époque même dégradés, qui m'ont emmené voir des prostituées et tout, et j'ai pas pu non plus, j'ai dit non, parce que aller voir une prostituée, c'est de l'esclavage de l'homme par l'homme. J'ai fait ces choix. Donc à partir du moment où on fait ces choix, mais j'aurais pas dû avoir à les faire. Pourquoi imposer à travers un jeu qui est difficilement gérable et par un cerveau d'enfant et difficilement accompagnable? Pourquoi je dis difficilement accompagnable? Parce qu'il faut déjà avoir pour un parent de mon âge, voire machin, s'il a pas fait de truc, les possibilités de interdire nous-mêmes à des enfants d'aller par exemple sur les réseaux sociaux, ça, il y en a, ils savent pas faire. Donc ils laissent leur ordinateur et ça, et à la fin les enfants font tout et n'importe quoi. Il faut pouvoir contrôler. Les enfants, ils ont besoin d'un tuteur. Si nous, on n'a pas les capacités parce qu'on s'est laissé dépasser par l'outil, comment voulez-vous? Si vous, vos parents, ils sont au top, évidemment, ils vous ont accompagné, mais et les autres? Les jeux vidéo, c'est quand même de la fiction. Internet, Facebook, c'est la réalité. Hein. Faut faire quand même la distinction aussi. Alors, je comprends le propos de monsieur, mais je pense que, justement, parfois, pour prendre conscience des choses, il faut le jouer en fictif. Et bien sûr, après, ça s'interroge par derrière. C'est-à-dire, il y a des enfants, ils vont, ou des enfants, ou peut-être même ça vient plus tard, mais ils vont avoir la notion de prendre le recul et de se dire, merde, en fait, ce qui se passe dans ce jeu vidéo, en vrai, c'est pas bien, quoi. En vrai, si c'était ma sœur qui était dans la rue et que c'était un gars qui lui faisait, enfin, il faut réussir à prendre du recul. Après, j'irai pas jusqu'à interroger le contrôle de ces choses-là, mais en tout cas, la discussion par rapport à ça, effectivement, est intéressante. Et justement, pourrait apporter à des personnes qui n'arrivent pas forcément à prendre le recul, qui se disent, bon, c'est un défouloir, et ci et ça, et toutes ces personnes là ne vont pas reproduire l'acte dans la réalité, loin de là. Sinon, on violerait tous et on se ferait tous violer dans la rue, on irait tous tuer des gens, et c'est pas le cas non plus. C'est quand même une certaine marge, on va dire, de la population. Et c'est là-dessus, moi, que je voulais revenir un peu depuis le début. C'est une question de position et de prise de recul à un moment donné, ou à plusieurs moments donnés même. Parfois, on lit des choses qu'on intègre que bien plus tard, quoi, en fait. Où on s'aperçoit que, en fait, la valeur qu'on avait l'impression que ça donne à la base, en fait, c'était carrément l'inverse, quoi. Il y a beaucoup de choses, dans la littérature, j'en ai fait un petit peu, mais pas que, même dans les films ou ce genre de choses, on te montre une situation très violente et tu dis, ah ouais, et t'as une excitation, t'as un truc qui fait que, ah ouais, et en fait, après, tu fais, ah mais non. C'est quelque chose qui se fait ou non et qu'il faut accompagner, pas contrôler, mais accompagner, c'est-à-dire je sais pas, à l'école, on le fait, ça. On te donne un bouquin, et puis après, le professeur, il revient par-dessus en disant, bon, ben voilà, les fables de la Fontaine ou autres, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça veut dire derrière, quoi? Et peut-être qu'il faudrait, vu qu'on a une nouvelle culture qui est portée aussi sur le jeu vidéo, et justement, sur, et pas que le jeu vidéo, parce que dans les films, il y a énormément de violence, il y a, comme on disait, oui, il y a le viol, mais il y a aussi la question du militaire, de dire que quand t'es un Américain qui va aller tuer d'autres gens, eh ben c'est bien parce que tu le fais pour ton pays et tout ça, quoi. Et ça se retrouve même pas que en Amérique, hein. Faut arrêter de taper sur les Américains tout le temps, mais bon, voilà. Ouais, je vais juste faire un rapide bilan là sur cette question-là. Il y a le plus vieux texte occidental sur la culture, c'est la Poétique d'Aristote, hein, qui date de l'Antiquité grecque. Et dans ce, c'est un texte qui parle du théâtre et de la tragédie grecque. Et dans ce texte, il y a un mot sur lequel tous les intellectuels se battent depuis maintenant plusieurs, enfin 2000 ans, je sais pas ou combien, plus de 2000 ans, je pense. Et c'est le mot catharsis. Et on sait pas ce que veut dire ce mot, parce que le texte est incomplet, parce que on a du mal à comprendre, etc., comment le traduire. Et il y a des gens qui disent que ça veut dire purification, et qui disent que, d'après Aristote, justement, la tragédie qui montre des meurtres, des gens extrêmement violents, Oedipe qui tue son père et qui couche avec sa mère, tout ça, c'est une manière de montrer finalement la violence sous une forme plus esthétique, plus élégante, et du coup de permettre à l'individu de prendre de la distance. Et puis il y a une autre traduction qui serait la version de la purgation, c'est-à-dire que justement le fait de montrer de la violence sur le théâtre, ça permet de se libérer de ses passions. C'est comme si on vivait notre ces pulsions, ces instincts primitifs comme ça à travers les personnages, et finalement on s'en libérait. Et voilà. Et d'ailleurs Platon, hein, n'était pas d'accord avec Aristote, puisque Platon, lui, considérait que les artistes, les poètes, etc., c'était des gens qui étaient des menteurs, et il voulait les exclure de la cité. Il disait, ce sont des gens qui créent une fausse réalité, et par conséquent, il faut les exclure de la cité. Donc c'est un débat, en fait, le débat qu'on est en train d'avoir, c'est un débat qui date d'il y a plusieurs milliers d'années, voilà. Je voulais tout à fait, c'est tout à fait en lien avec ce que tu dis, parce que je voulais poser une question très simple qui justement rejoint ça. C'est finalement donc une question qui n'est pas nouvelle. Est-ce que donc les jeux vidéo, là parce qu'on en parle, mais finalement d'autres formes de culture arrivent pour apaiser des tensions qui sont déjà là en les faisant vivre sous un mode esthétique, ou bien est-ce qu'elles favorisent la production de ces tensions, de ces violences? Et en effet, c'est un débat qui est de très très très longue date, et je pense qu'il y a les deux en fait. C'est pas ou l'un ou l'autre. À la fois, jouer permet en effet que c'est cette violence qui est quand même là, hein. On peut pas dire, on va pas éliminer la violence chez l'être humain, ni les pulsions sadiques ou bref, on va pas les éliminer. Elles sont là. Donc, les jeux peuvent permettre en effet, d'une certaine façon, de les sortir. Et d'un autre côté, quand on dit voilà, le jeu induit une violence qu'on va ensuite reproduire sur la société, bon, c'est vrai que ce serait quand même imaginer un individu un petit peu extrêmement gentil, et que finalement, enfin voilà, que tout ce qui arrive comme violence arrive de l'extérieur. Mais en même temps, c'est pas faux. Enfin voilà, je pense pas qu'on puisse donner une réponse soit d'un côté, soit de l'autre. Je pense qu'il y a les deux. Et après, il y aura toujours des formes d'art et d'esthétique qui permettront en effet de limiter cette violence-là. Et il y a d'autres personnes qui utiliseront, enfin, je dis pas au niveau, c'est pas les personnes qui sont responsables, mais ça peut aussi être utilisé, ces jeux-là, pour donner des moyens, du coup, dans la réalité derrière, de les mettre en place. Non, mais je préfère arrêter. Alors, mesdames, vous m'entendez? Quand je vous fais ça, ça veut dire mort aux vaches. Ça peut être autre chose, et vous pouvez penser autre chose. Et vous avez sans doute raison. Voilà. Qu'est-ce qui voulait le micro? Alors, ce qui m'intéressait, là où ça m'intéressait de rebondir, c'est au niveau effectivement de la conscience et de la transgression. C'est évident, et du plaisir. Pour moi, effectivement, il n'y a pas plus grand plaisir, dès lors qu'on a suivi un protocole avec quelqu'un qui vous aime et qu'on aime, et on a suivi un protocole, on ne sait plus, etc. Le moment où j'employe les mots, j'avais dit que j'emploierais des mots, le moment où on jouit, c'est les moments où on se perd. Quand on se perd et quand on n'a plus de contrôle et quand on s'oublie totalement, c'est là où arrive effectivement la jouissance. Et le problème de ces appareils, les machins et tout, c'est qu'ils nous font partir éventuellement dans des trucs qu'on n'a pas forcément envie, là où on n'a pas envie d'aller pour prendre du plaisir, mais c'en est un aussi. Ensuite, bien qu'ayant lu aussi, donc je vais faire une toute petite incise là-dessus, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », c'est pas moi qui l'ai écrit, et pour autant, j'aime pas trop faire appel à ma culture ou à ce que j'ai lu, parce que j'ai remarqué que bien souvent dans la démarche intellectuelle, on fait ça, et en faisant ça, on fait passer un discours, une argumentation, comme on dirait, ben tiens, ça, c'est du Châteauneuf du Pape, alors que c'est une bouteille de GVR, parce qu'on aura collé l'étiquette de Châteauneuf du Pape dessus. Bon, généralement, l'ouvrier se laisse pas avoir, parce qu'à la fin, il vous demande toujours où sont ces 2 euros. En termes d'étiquette, donc, voilà, c'est pas parce qu'on va me dire, voilà, c'est un tel qui l'a dit, Platon qui l'a dit, machin et tout, que pour moi, ça va avoir valeur de vérité. Au contraire, ça va me faire lire Platon si je l'ai pas lu. Donc, pour ce qui est de la catharsis, pour ce qui me concerne, moi, la catharsis, comment je la comprends, c'est un lien qui est établi à un instant donné, bien précis. Et quand c'est établi à un lien bien précis, il ne vous appartient pas, ni à vous, comédien, puisque j'ai fait de la comédie aussi, j'en fais, ni au spectateur. C'est un lien qui vous élève, mais qui vous élève l'esprit, qui vous élève l'âme, et c'est tout ce que ça fait. C'est fait pour établir un lien. Certes, ça peut être dans la violence, en fonction de ce que vous allez représenter, mais c'est vous qui le représentez. Et l'autre, c'est lui qui vient vous voir. C'est exactement comme un psychanalyste qui est là en face de vous, qui vous écoute. L'autre, il est... En fait, c'est inverse. Le psychanalyste, lui, il écoute, et voilà. Donc, du coup, voilà. Et bien, c'est ça, la catharsis, c'est ce qui se passe là, entre quatre murs, une élévation comme ça, entre une personne ou des personnes et des autres. Et quand ça s'est passé, cette catharsis-là, ça s'est passé, effectivement, on s'élève. Et on paye, comme en psychanalyse. Non, juste un point technique pour dire que je citais pas Platon ou Aristote pour dire que j'avais raison, mais justement pour faire remarquer que le débat qu'on était en train d'avoir avait déjà été un débat très ancien, en fait, c'est tout. C'était juste pour faire un point technique sur Platon. C'est un peu plus subtil que ça quand Platon il parle d'exclure les artistes de la cité. En fait, lui Platon, ce qui le dérange, c'est le côté c'est les valeurs morales en fait qu'on véhicule. Après, c'est quelle société on veut. Et c'est pour ça que Platon, et c'est plus subtil que ça, c'est là, faut pas tomber dans la caricature. En fait, par exemple, c'est comme si aujourd'hui on disait, par exemple, les films hollywoodiens qui vantent le capitalisme ou qui vantent la mafia, je sais pas, les films, il y a des films comme ça où les jeunes ils se mettent derrière, qu'ils adorent et puis qui vont mimer même, qui vantent la mafia et tout ça. Voilà, c'est toutes ces mauvaises valeurs. Platon il dit, voilà, ces gens-là, il faut les exclure de la cité. Voilà. Donc c'est un peu plus subtil que ça. Voilà, c'est tout. C'était juste pour dire ça. On en a déjà parlé, effectivement, mais voilà. Enfin, excusez-moi, je voulais parler d'un truc un peu plus... Ah ouais, voilà. On a dit tout à l'heure que pour les... on a dit tout à l'heure pour les CD et tout ça, qu'on appelle les jeux vidéo, ça, vous avez dit une date, 5 ans et demi, ça part. C'est vrai ou pas? C'est ce que vous avez dit, hein? Non. J'ai entendu ça. Oui, c'est gentil. Donc, la lecture. D'après mes ressources de livres et tout ça, ils ont dit que d'ici 35 ans, c'est la Z. Après 5 ans et demi, c'est l'Afrique, mon frère, l'avenir. Parce qu'il y a une grande. Parce qu'il y a une grande. Une plateforme de soleil qui est à Valzette, mon pays Maroc. Grâce à notre roi, à Mauritius, qui a fait l'initiative. Et c'est parmi les. Le meilleur. Il a fait la plus grande résolution. Oui, la résolution, Chris, comment dire. Le plus fort. Hein, plus fort. Non, c'est pas ça. Alors. Bon. Quand je fais ça aux femmes, c'est de la catharsis. Avec les hommes, je procède autrement. Je leur dis mort aux vaches. Quand je fais ça aux femmes, je leur dis mort aux vaches. Avec les hommes, je dis souvent mort aux vaches. Je leur fais pas ça. Bon. Quelqu'un veut participer? C'est juste une petite mise au point à propos du théâtre. Dans le théâtre moins grec, il y a toujours eu sous un fil conducteur qui est la moralité. Seulement qu'aujourd'hui, on ne peut plus parler de moralité, ça n'existe plus. Donc, il y a quand même quelque chose qui a changé. Mais que ce soit, s'il n'y a pas que les jeux vidéo, je dirais, il y a des tas de situations où quelqu'un peut voir ou entendre. Pour une certaine personne, il peut voir que, des meurtres à longueur de journée, sans problème, il ne tuera jamais personne, il restera toujours calme, tranquille, etc. Une autre personne, parce qu'on est tous différents, ça va être de voir simplement à travers une vitrine, un jeu vidéo où quelqu'un tue quelqu'un d'autre, ça va être le facteur déclenchant pour quelque chose et il va prendre une arme et il va tuer le premier qui passe. Donc c'est pas la faute du jeu vidéo, mais on est tous différents et quand on fait quelque chose qui est public, le minimum c'est de faire attention à ce qu'on fait. Ce qu'on appelle la moralité dans le temps. Non, juste pour résumer, en deux secondes, après je te passe le micro. Moi, franchement, je pense que la question de l'art et du réel, c'est une question qui, comme on l'a dit, peut pas être réglée, qui fait beaucoup travailler l'imagination depuis des milliers d'années. Donc moi, ma politique, c'est essayons de lire des bons livres, de voir des bons films, de jouer à des bons jeux. Essayons d'écrire des bons livres, de réaliser des bons films et de créer des bons jeux. Et donc déjà, si on arrive à se concentrer sur la qualité des œuvres qu'on consomme et des œuvres qu'on crée, c'est déjà l'essentiel à mon avis en ce qui concerne la création. Alors là, je te suis totalement, mais en même temps, qui va décider du bon jeu et du bon truc, c'est justement celui qui sait. Et c'est subjectif. Mais il faut savoir quand même que pendant que certains jouent avec les ordinateurs et les tablettes, etc., il y en a d'autres dans d'autres lycées un petit peu plus huppés qui font des algorithmes. Et ceux-là seront toujours ceux qui nous baiseront la gueule à la fin. Donc, non, il y en a qui jouent et qui font des algorithmes, effectivement, j'admets l'objection, j'ai pas à l'admettre, mais j'entends bien l'objection, parce qu'évidemment, il y en a qui font les deux, justement pour expliquer aux autres qu'il faut pas s'inquiéter et de continuer à jouer avec pendant qu'ils font des algorithmes. Donc, ça c'est une chose. Et pour vous dire comment l'art peut être tentant et mal interprété quand quelqu'un vient vous tenter avec, parce que on est quand même là dans le domaine de la tentation. Avant d'être pilote dans l'armée, j'ai écrit un poème à 18 ans qui faisait ça pour un petit peu détendre l'atmosphère, parce que excuse-moi d'avoir été un peu. Ça donnait ça. Si tu et regardez comment rien n'a changé. Donc grâce à tous ces jeux et autres, hein, les avions, les conneries, bon bah. Si tu penses à la pluie et qu'on t'apprend la nuit, si tu crèves d'ennui derrière les palissades et dans l'haleine puante des villes de ton pays, alors homme, lève la tête. Je te ferai connaître un village arlequin où l'homme est son âme et non plus ses bannières. Où tu verras l'amour à la beauté câline garnir tes plaies de pétales et non plus de ronces. Mais grâce à la tentation et leur connerie, j'ai quand même fini par entrer dans l'armée, être pilote, être poussé jusqu'à bout et à refuser quand même, rappelé par ma conscience politique, à ne pas tuer et à devenir un mec comme je suis. Cassé, mais comme je suis. Pour moi, je pense que la question de l'art, du jeu vidéo, de la guerre et tout ça, c'est une question philosophique aussi qu'il y a derrière. Et la philosophie, c'est un peu ce qu'on manque de plus en plus dans notre société actuelle. C'est-à-dire, justement, on dit, oui, Platon, Aristote, c'est passé, c'est juste des auteurs qu'on met en avant pour... Non, c'est des gens qui avaient un message à transmettre. Comme nous tous, on a un message à transmettre, on s'exprime, il y en a, ils le font, voilà, par la littérature, ils le font par des trucs plus ou moins compliqués, voire même extrêmement abstraits pour qu'à la fin, c'est 3 semaines plus tard ou 3 ans plus tard qu'on trouve le message, quoi, en quelque sorte. Mais, C'est une question de philosophie qu'il faut travailler. Et c'est ça aussi, l'interrogation des valeurs, l'interrogation du paradoxe humain. Parce que ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est le paradoxe humain, justement. Entre le bon, le mauvais, on a tous un peu des deux en soi. Seulement, à un moment, on s'aperçoit plus de l'un ou de l'autre. Et parfois, on dérive et parfois, on se resitue, même des années plus tard. Je connais quelques lascars, bah voilà, ils ont dû faire des conneries pendant pas mal d'années avant de se dire, oh putain, merde, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé à côté de valeurs qui m'intéressaient réellement, quoi. Il y en a qui prennent pas forcément ce recul-là, mais il y en a d'autres, oui. Et la philosophie, c'est quelque chose qui se passe dans son propre cerveau, mais qui peut aussi être éveillé par justement la culture. Quand on dit la culture est neutre et elle sert à rien, je suis pas d'accord. Le jeu vidéo ne sert pas à rien non plus. L'imaginaire ne sert pas à rien non plus. La base, c'est justement l'interrogation de la philosophie. Qu'est-ce que toi ça t'apporte et comment tu reviens derrière par-dessus? Et c'est peut-être ça qu'il faut plus travailler. Bon, je crois que je me répète, mais qu'il faut plus travailler avec un peu tout le monde, quoi. Voilà. Oui, je vais juste faire un tout petit point technique, j'en profitais avant. Non, en fait, c'est juste... Non, c'est pour un point technique, juste, ça n'a rien à voir. Voilà, un tout petit peu... Enfin, ça n'a pas rien à voir. Donc, en fait, je vous rappelle juste que vous êtes à la commission éducation populaire, quand même. Voilà, je vous rappelle pour ceux qui sont arrivés en cours de route. Et voilà, et du coup, on fait des interventions. On a des intervenants, donc, qui viennent nous parler d'un thème et on débat ensuite autour de ce thème. Et donc, je voulais juste vous dire qu'on va tourner avec une petite boîte. Donc, si vous vous sentez généreux, de bonne humeur, de... Voilà, et attendez, juste... voilà, c'était juste pour vous dire ça. Donc, si vous vous sentez généreux, on tourne, voilà, c'est tout. Et donc, je relance le débat, on va finir de toute façon d'ici 5-10 minutes, je suis désolé. Bonjour, je vous propose un jeu simple, mais qui n'a de simple peut-être que l'apparence. C'est d'illustrer cette petite phrase de Pablo Neruda, « Voici venir l'orage ». Voici venir l'arbre du peuple, l'arbre de l'orage, en faisant la pluie. C'est tout, donc, avec les doigts, dans la paume de la main. Écoutez, s'il vous plaît, je viens de... Je peux juste pour... Juste... Écoutez, voilà. Ouais. J'ai envie de parler. Je m'exprimer. Non, mais attends, je regarde juste... Je suis. Voilà. Elle est en train de... Ah, il faut que je dise. Pardon. Ah, j'ai oublié une chose. Ah, très important. Ils sont tous dans la même merde. Vas-y. Hein? Parce que je me suis exprimé... je me suis exprimé tout à l'heure pour... Je me mettre tout à l'heure pour un avenir pour l'Afrique et tout ça, mais il faut pas croire que si vous allez, ces structures, celles-là n'existent pas. Ah, j'ai pas encore parlé. Ces structures n'existent pas et pour l'Afrique, ça va être pas facile. Eh ben, moi, je rentre pas en Afrique, je reste ici, c'est tout. J'ai juste un point technique. À éducation populaire, le principe, c'est que des gens qui ont des compétences, on part tous du principe que chacun a une compétence ou un domaine qui peut apporter son savoir à tout le monde. Donc on vous invite chaleureusement à venir nous rencontrer pour programmer une intervention. Donc je rappelle très rapidement le principe, vous parlez 20 minutes, donc c'est assez court. Et après, il y a 40 minutes de débat, donc voilà, donc on vous invite à venir. Je sais que c'est pas facile de parler devant tout le monde, on est tous dans le même bateau, voilà, on tremble, mais c'est le principe d'éducation populaire, donc merci à vous. Bah, moi, je sais pas trop ce que je veux dire, c'est un truc sur les jeux vidéo, là, c'est ça? Un groupe trop autre. Bon, les jeux vidéo, c'est quand on parlait d'art, par exemple, et tout, ça évidemment, ça touche, voilà, il y a des gens qui vont, ça va faire péter les plombs, qui vont, voilà. En même temps, la violence, elle est partout, autour de nous. On passe le permis, on a une voiture, on a déjà une arme dans les mains, rien qu'avoir une bagnole. Et en fait, je voulais juste dire ça, voilà. Et puis, voilà, et la religion aussi, tout ça. Qu'est-ce qui fait que... Bordel. Parfait, merci. Donc là, on arrive à la fin du débat, donc on va du coup laisser l'intervenant conclure et puis remercier tout le monde après. Et je crois que suite à... Là, c'était donc l'éducation populaire et ensuite, il y a la Commission Europe, je crois, qui va faire un débat avec, avec un économiste. Oui, c'est Frédéric Lordon, l'économiste. Donc, bah écoutez... merci d'être venu, hein, tout simplement. Merci d'avoir été nombreux à participer. J'étais content de voir que c'est une idée qui continue d'exciter les foules et d'exciter l'imagination, etc. Et voilà, bah écoutez, essayons de nous perdre dans la fiction, dans l'imaginaire, et même si c'est important de se poser des problématiques réelles, réalistes, et je pense que c'est important que la fiction puisse nous poser, nous interroger sur notre réel, mais aussi le pouvoir de l'évasion, je pense que c'est aussi important, et finalement c'est aussi transgressif par rapport à la société dans laquelle on vit. Voilà.